Ça faisait déjà quelque temps qu'on n'avait pas vu grand-maman. Un jour, téléphone sonne. C'était mémé. Elle dit, j'ai vu mon astrologue qui m'a dit de voir un cardiologue. J'y suis allé le cœur battant. Il m'a dit, ça c'est de l'arythmie. On va vous mettre pacemaker, un petit métronome pour le cœur. Vous verrez, c'est très rigolo. On retrouve tout de suite le tempo. J'ai passé quelques jours en clinique, fort sympathique. Tac, mémé swing, pépé ne peut pas me swing. Mes papines ne peuvent plus, mémé swing, swing, swing. Et pépé foutu, mémé swing, mes pépés ne peuvent plus, mémé swing. Pépé ne peut pas me swing, mes papines ne peuvent plus, mémé swing, swing, swing. Et pépé foutu. C'est un jeune interne africain qui lui a montré qu'avec un rien on faisait des percus, cu-cu-cu, qui sonnait bien. Comme il fallait qu'elle se dérouille, elle mit son sort entre ses mains et allons-y, zi-zi-zi-zi. Depuis c'est fini l'arythmie. C'est vrai que c'est chouette, un pacemaker, un petit métronome pour le cœur. C'est vrai que c'est très rigolo qu'on retrouve tout le tempo. Moi perdu, paru bien vite, trop apathique, tactique. Mémé swing, bébé ne peut pas mémé swing. Mes papines ne peuvent plus mémé swing, swing. Et bébé foutu, mémé swing, mes bébés ne peuvent plus mémé swing. Bébé ne peut pas mémé swing, mes papines ne peuvent plus mémé swing, swing. Et bébé foutu. Depuis je vivais sur ma pension avec un gars de l'animation qui jouait du bebop. Oh là là, un soir il me dit, oh mémé, ton pacemaker est une entrave à mon bonheur. Alors j'ai repris les voyages sans plus mon âge. Mais même pas pas dans ce style dans mon bonheur. Moi je suis dans le monde. Moi je suis dans le monde. Nap, nap, nap.